Montréal et Sirius Radio présente M sur les quais 2010. Plus de 25 bands, deux scènes en alternance sur deux jours, les 4 et 5 septembre prochains de midi à 23h. Et c'est gratuit. Voivode, Priestess, Orange Orange, Tricot Machine, Winter Gloves, Marco Cagliari, Damon Thier et plusieurs autres. Programmation complète sur le www.mpourmontréal.com. Bonsoir, en manchette ce soir, j'ai des allergies aujourd'hui, là, puis ça me tentait pas, là, puis en plus je me suis fait voler 2$ par une machine à coke, puis j'ai pété mes lunettes là, dans un accident de vélo, puis là, ben là, je suis obligé de mettre mes verres de contact avec les lentilles, vous écoutez 70%. Y'a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils. La vie ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part, elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Yo, I'm Sybil Danning, and no man, no law, no war can stop me from being your host for this adventure video. This time I'm gonna drop you, right in the middle of a war guaranteed to give you a real rush. Imagine that your home is now nothing but wreckage of hell. Well, there are survivors, but you know the living envy the dead, because now they're slaves to the nutcase who controls what's left. They work till they drop in his crummy factories to build a new world of fear and torture. And nobody can stop him, right? He never counted on you. You've got radioactive dreams. You stay alive among the living dead. You build your body into a one-man commando squad. You've got one big secret that can save the world. That's the price on your head. But your mind is still the best weapon, along with your bazooka, your grenades, your machine guns, and enough raw force to flatten any bozo. Your hands are cannons, your feet are tank treads, your blue eyes can stare a red hot hole into any woman's heart. You can make love and make war with the same firepower. And still, this future Ayatollah thinks you'll never do the job alone. His poor slaves can never join you to destroy his empire. Maybe because he thinks you can't live without his supplies. This time you're fighting for your life. So load up and hang on tight. You're about to begin this exclusive mission on adventure video, Rush. And when it's done, if you survive, then I'll be right here. On l'a écouté souvent, on a survécu souvent à Rush, puis finalement, Sybil Danning n'a jamais été là pour nous accompagner. C'est Tommy Godette au micro. Bonjour les amis, il y a plein de monde tout partout. C'est rempli aujourd'hui. Oui, c'est rempli, c'est 70%. Il y a plein de gens qui sont venus donner leur strict minimum ou parler de choses qui, en fait, incarnent le contraire de leur strict minimum. On a les gars de Décor Mag. Décor Mag, oui. Presque Décor. Presque. ressemble, ça ressemble un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Non, non, je me suis planté, mais je me rappelle vos noms, par contre. C'est Xavier, c'est Micah, puis c'est Étienne. Ouais, bonjour. Je suis fort avec Cédric. C'est, en fait, c'est l'escouade d'artistes visuels. Total. Moi, dernièrement, c'est ça, je me suis associé au magazine, puis Micah, c'est... Micah et Étienne qui ont starté ça, ils sont à 6... 6 décovers à date, là, ça sort aux 2 mois. En tout cas, on vous parle tout de ça tantôt. Et voilà, 70%. Merci les gars, hein. Désolé d'avoir eu une bulle au cerveau là-dessus. Là. On va me reprendre tantôt. Peut-être si on avait des longues jambes, fraîchement épilées, une paire de boules, puis un peu de style. Ta vie serait différente. On serait pour décor. Vous seriez pas ici non plus. Ouais, sûrement. Ben, ou peut-être, là. Hey, Julien Bernatchez, toi. Hey, allô. C'est de quoi tu nous parles aujourd'hui? Cette semaine, j'ai un dossier invitant sur Sylvain et Sylvette. Oh! Ah, ça, presti! Ouais, c'est ça. Ben là, il en reste plus beaucoup, hein, Thierry, pas encore touché. On poursuit en faisant le tour de table. Bruno qui a traîné sa muse habituelle, mais non, c'est une muse upgrade ou différente. Voilà, non, c'est la version 1.0. La version 1.0, donc voilà. C'est Ginette, c'est rendue une habituée de nos studios. Oui, après 2 fois. Oui. Et voilà, tu te reconnais, ça n'a pas changé trop. Non, c'est juste plus habité. Décoration pastel, c'est magique. Ouais, c'est grâce à l'équipe de Décor Mag. Il y a Jean-François qui est là, il va nous faire tantôt un petit... c'est quoi, ça va durer à peu près 5 minutes de joke sur les éléphants? Ouais, à peu près. À peu près, donc... c'est déjà pas mal. On a vraiment hâte. Et puis DJ Georges, toi, c'est quoi la thématique? Ben, j'ai un petit mini spécial rentrée scolaire, puis après ça, j'ai plein de cochonneries en vrac pour vous autres. Oh boy, on y va en vrac. Ben moi, vous l'avez entendu, c'était Sybille Danning, la plantureuse blonde de 36-24 Imagination, qui nous a présenté Roche, un film de 1983, fait en Italie par des Italiens qui se nomment bien sûr Conrad Nichols et Anthony Richmond. C'est vraiment du -8.5. Là, c'est un des films que j'ai vu qui a causé, provoqué le plus de coming out douteux. Là, pour vrai, là, commencer à quelque part, je vous souhaite de commencer avec Conrad Nichols et son sourire dentifrice très invitant. Passez ça, toi, DJ George. Ben, en fait, salut Israël aussi. Ouais, salut, moi ouais. Je vais faire... Moi et Elisabeth, on va faire un concours de lettres. On va se lire des lettres, puis c'est la pire qui va gagner. Ça va être à vous de juger. On va prendre les votes. De plus en plus loadé. Hey, là, après ça, on a une nouveauté incroyable. Là, la trame sonore, c'est Donkey Kong Country 2, là, pour faire peur et 16 bits encore. Mm-hmm. Parle-moi de Danny Daniel Gabriel, Étienne. Ben oui, Danny Daniel qui nous a contacté ce matin pour nous envoyer sa toute nouvelle chanson en exclusivité qui s'appelle « Ma raison de vivre ». Ce coup-là, on a bien fait attention de vérifier qu'on l'avait downloadé au complet. Oh ouais. Pour pas faire la gaffe de l'autre fois que ça coupe au beau milieu. Puis là, Danny, c'est la primeur. Appelle-nous pas en plein milieu parce qu'on la coupera pas, là. Non, c'est sûr. C'est sûr, s'il appelle, on va pas prendre tout de suite son appel. Et voilà, donc en primeur, c'est « Ma raison de vivre » de Danny Daniel Gabriel à 70%. Je pense que ça va brasser, ça. Raison de vivre, un beau jour le ciel est venu te chercher en peu de baiser, comme s'il m'avait tué aussi, mais je vais te retrouver, peu importe tu es où, que toi je suis si vous. Même au-delà de la mort, te dire que je t'aime encore. Sans toi comme au milieu de nulle part, je pleure encore ton départ. Penses-tu à moi? Là-bas, comme ici, je pense à toi, mais je m'en viens. Attends-moi, j'arriverai demain si tu es là. Le temps de prendre mon envol, et je décolle, et je donne un coup d'aile, et je m'en vais. Je pars pour la vie, loin d'ici. De l'autre univers, de l'autre. cacher à l'ombre de ton passé. Je vais aussi partir, j'ai besoin de ton sourire, te reprendre dans mes bras. Et me voilà, et je donne un coup d'aile, et je m'en vais. Je pars pour la vie, loin d'ici, pour essayer de la trouver dans l'autre univers, de l'autre côté de la terre. Et je donne un coup d'aile et je m'en vais. Je pars pour la vie, loin d'ici, pour essayer de la trouver dans l'autre univers, de l'autre côté de la terre, ma raison de vivre. De survivre à l'amour, mon ange. Ma raison de vivre. Ici Danny Daniel Gabriel, vous êtes dans l'univers innovateur de 70% à Choc FM. Voici maintenant les actualités internationales avec Bruno Corbin. Merci Étienne. Ouais, je l'aime, moi, celle-là. C'est juste parce que t'étais pas là. C'est ça. T'étais pas là pour le faire jouer. Ah ouais, alors on est en nouvelle. Ça se peut que je renifle. La police de Sarina en Ontario a arrêté un homme suspecté d'être entré par effraction dans la maison de Greg Kemis, un ébéniste amateur, et d'avoir fait une vente de garage non autorisée de tous ses outils pendant la journée. Selon les témoins, le voleur slash entrepreneur aurait sorti pour plusieurs milliers de dollars de marchandises de la maison et les aurait mis en vente en mettant des prix dessus. Hey, ça te prend des couilles en esti. Hein? un client de la vente était surpris des bas prix. a acheté une pièce d'équipement d'une valeur de 3 000 $ pour seulement 110 $, c'est-à-dire moins de 4% de la valeur de l'objet. L'homme a retourné l'objet qu'il avait acheté. En tout, seulement 10% des items ont été retournés. La police demande au client de la vente de rapporter la marchandise et de rapporter aussi tout incident d'ébénisterie suspecte. Ah, il arrive en temps de crise économique. Hey, tu vois que ça parle des vraies affaires. Let's go, un autre, man. D'accord. Les docteurs de la ville de Bochum, en Allemagne, ont retiré une balle de calibre 22 de l'arrière de la tête d'un homme de 35 ans. L'homme qui croyait se faire retirer un kyste après avoir eu des problèmes de maux de tête s'est rappelé, après l'opération, avoir reçu un coup à la tête au party du Nouvel An 2004 ou 2005. Là, tout ça. Il aurait oublié l'incident après toutes ces années car il était, selon lui, vraiment saoul. La police. C'est un shot! Tête! La police affirme qu'elle ne traite pas l'affaire comme suspecte car le coup a probablement été tiré dans les airs en guise de célébration, comme en Turquie. Là. Ouais. Et se serait logé dans la tête de l'homme en retombant. Voilà. Wow. C'est bon, belle découverte. Caroline, c'est comme le Munch à Montréal la semaine passée, ouais, ça. Exactement. Tu peux réellement te faire tuer si la balle retombe. Ouais. Ben, ça, il est pas tué, là, ça a comme chatouillé. C'était dans, quelle ville? C'était à Bochum, en Allemagne. À Bochum. En Allemagne, cool. Toi. Ah ben, on pense avoir fait le tour. Merci bien gros, Bruno. Ben, de rien. Ça va revenir au courant de l'émission. Gardez ça alerte, en apprendre sur la grande facette de la planète. As-tu une nouvelle du Japon? Non. Ça va être une bonne journée quand même. Oui, oui, oui. On va s'en sortir. J'ai vu un beau vidéo du Japon, par exemple, aujourd'hui. Pense à ça, là. Cédric, présente-nous tes potes, là. Présente-nous le projet. Il y a plein de couleurs, là. C'est le fun qu'il y ait la couleur. Tu parles sur les culottes d'Étienne Martin? Vas-y, vas-y. Ben oui, Étienne Martin, puis Micah, dis ton nom comme... Micah Lockhart. Ah, Micah Lockhart. Crème, c'est hot, ça. Je me touche la moustache en même temps. Puis tu dois te battre contre les forces evil toute la journée. Lockhart, non? Bodyguard de God. C'est un... Tu vois que Cédric qui mène l'entrevue. je fais ça, moi je pars. OK, fait que le magazine, vous avez fondé ça quand? C'est quoi? Pourquoi est-ce que je suis associé à ça? Puis c'est ça, vas-y, go. C'est, moi je fais des toiles dans la vie. J'ai eu une expo à l'ESCO sur Saint-Denis. Michael m'a acheté un tableau. Il est venu chez nous, prend une coupe de bière. J'ose de justement faire un média qu'on pourrait présenter des artistes d'ici. C'est quelque chose qui est pas encouragé par les médias, qu'on parle des artistes en art visuel. S'intéresse à la couleur des bobettes de Sylvain Cossette, puis à n'importe quelle niaiserie, mais tout ce qui est art visuel... Hey, sérieux, là, en hôpital, Étienne, là, on va faire un jeu, là, on est culturé ici, là. Ouais. OK, un seul artiste visuel québécois, à part eux autres. Bon. Est-ce que quelqu'un en a la question à tes... À nous? Juste un, là. Ça, on voulait le faire. Dans le gars qui dessine Paul à la boutique. C'est ça. En fait, on s'est dit, en présentant des artistes, donc la revue, c'est ça, c'est 10 portfolios, de la peinture, de la sculpture, de la photo, du graft, un peu de tout, des trucs qui se font. On n'est pas juste restreint sur Montréal, on veut présenter des artistes éventuellement en région, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on commence par quelque part. On est ici, on a parti ça les deux ensemble. Puis là, on cherche des collaborateurs. On a une petite équipe. Éric Bolduc qui travaille avec nous, qui fait Rodville aussi. Ouais. Puis la couverture de ce mois-ci, de ce numéro-ci, c'est Xavier Landry. Xavier Landry! Hey, bonsoir, 70%. Je vais juste faire une petite parenthèse avant de commencer à dire des hosties niaiseries. J'ai remarqué que vous êtes encore plus BS que CIBL. On dirait que vous avez tout mis dans la climatisation, puis le matériel, il laisse à désirer, surtout quand il y a des invités comme ça. J'aurais bien aimé ça pour on prend la critique. Mon podcast d'écoute, mais en tout cas, je suis bien content d'être ici avec vous autres. En tout cas, tu fais de la belle peinture. Merci, Cédric. Ça, c'est sûr, ça vaut la peine. Puis d'ailleurs, où vous pouvez les... En fait, où on peut se procurer Le magazine. Nous, on a des points de distribution un peu partout. On parle de boîte noire. Mettons, on parle plateau. On a boîte noire. On a Quai des Brumes chez Baptiste. C'est gratuit. La revue est gratuite. Donc, les gens peuvent s'en procurer. Elle sort une fois à chaque deux mois. Okay. La bonne nouvelle TVA de la journée, c'est qu'on passe à 4000 exemplaires. On est à 2000. Puis à partir du prochain numéro qui sort le 25 septembre. On passe à 4000 exemplaires. Fait ça, c'est gros, ça, là, pour Montréal, pour un électrique, Archambault, les Donc, le magazine s'appelle Decover. Ouais. On avait pensé l'appeler Lockhart, mais le nom... il avait déjà un copyright, ça coûtait trop cher. Faire un mix entre... En fait, c'est venu spontanément, le mot, mais on trouvait que ça représentait assez bien, vu que la revue est bilingue, français, anglais. C'était super beau. Puis comment vous faites pour financer tout ça? C'est la question. Parce que si tu la donnes, puis je vois qu'il y a c'est pas de la publicité cover to cover. Là, fait non, mais ça permet à imprimer. C'est pas mal. Mais est-ce que vous êtes sur une subvention un peu? Non, on n'a pas de subvention. Non, ils n'en donnent pas des subventions avant 10 runs. Il n'y a pas grand magazine qui dépasse le numéro 6. Là. C'est ça le trip, là, surtout des gratuits. Là, c'est rough. Puis les subventions, il faut que tu te prouves que tu l'as fait par toi-même et que tu as besoin d'une expansion à un moment donné. Ouais. Ah ben, mais passer de 2000 à 4000, ça va sûrement donner un boost pour votre affaire. Ben, c'est ça un peu. On investit assez de... Avec une plus grosse distribution, on espère qu'il y aura plus de publicité parce que pour l'instant, on vit de la fierté. Je vous souhaite de croiser ça parce que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est très pertinent parce qu'en plus, c'est très bien utilisé. Là, genre, vous avez 10 nouvelles personnes à présenter par magazine d'à peu près 30 pages. Ça veut dire que c'est dense en sapristi. Ça veut dire qu'on a présenté combien d'artistes? 60 artistes. Puis le trip aussi, c'est que nous autres, on partage nos réseaux d'artistes ensemble puis on découvre du monde qu'on connaissait même pas ensemble. Puis on est plugés, nous autres, là-dedans. Montréal, c'est ça. C'est qu'il y a tellement d'artistes puis c'est sans que ça soit négatif, le mot clic, mais il y a certains groupes un peu partout. Fait que là, c'est le fun parce que les gens que la revue découvrent du monde d'ici. C'est ça, du monde. Je veux aussi parler de Decover Mac. www.artistes.com, ça c'est le site dans le fond qui à chaque numéro est grossi parce que les artistes qui sont dans la revue sont sur le site. Donc ça devient une banque pour si on cherche des artistes. Puis, ouais. C'est vous qui allez les trouver, ces artistes-là? Oui. Ils nous contactent, on les trouve. Il y en a qui vous contactent. Parce que là, la revue, on est rendu à notre 6e numéro. Donc là, on prépare le 7e. Puis j'ai une quarantaine, cinquantaine de CD chez nous qui attendent de passer leur tour. C'est cool. Déjà du stock pour... Non, c'est ça, c'est sûr. C'est ça qui est vraiment surprenant. Au début, on se demandait est-ce qu'on va vraiment pouvoir sortir une revue aussi souvent? Ouais. Et est-ce qu'il y a le bon talent pour au Québec? Puis c'est fou, là. C'est vraiment 100% plus qu'on pensait. Ils nous ont pas, tout le monde en parle encore, là. Non. On commence par ici. Corneau. Vous êtes bien trop bête. Ben là, vous êtes à 70%, c'est bien mieux. Ça arrive si ça chiale contre le matériel. Ah, ben, mais ça, allez, à tout le monde en parle. Ils m'ont pas encore appelé, mais je me souviens quand j'ai rencontré Étienne pour la première fois, il cherchait des artistes. Moi, ça m'a gêné. Je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça. Il faut Mais là, finalement, je suis bien content du résultat. Puis je trouve que c'est une super belle tribune pour tous les artistes de la relève parce que le produit qui est écœurant, là. Ah oui, c'est grand, c'est quoi, 14 pouces par 12? Ah, c'est quasiment un poster. C'est un gros format. Mais moi, c'est vraiment le fait que je trouvais ça pathétique que justement, ça fait 12 ans que je pratique la peinture puis je voyais tellement d'artistes passer, du monde que je rencontrais. Je me faisais des connaissances puis je trouvais ça justement pathétique. Parce que le problème, en fait, c'est pas le public, c'est pas les artistes, c'est vraiment au niveau des médias qui décident. Ouais. De parler, de montrer des gens connus au lieu de présenter du monde comme Xavier, justement, peut-être de peur qu'ils disent des choses. Mais ce qui est bon. C'est un mensuel, c'est un hebdomadaire. À chaque deux mois, comme là, notre prochain numéro sort le 25 septembre, puis là, ça ferme la boucle de la première année. On commence une nouvelle année avec. J'imagine que vous aimeriez de mensuel éventuellement. Bon, on a commencé au début, puis si tu veux te joindre à nous pour travailler, ça serait bien, parce qu'à trois, on avait la langue septembre, octobre, novembre. Ben sinon, ils viennent de doubler le débit, fait que dans un an, ils leur doubleront encore. Non, c'est ça. Puis le but, c'est de faire un magazine de cover à cover plein d'art, incluant les publicités. Oui, ouais, c'est vrai. Le nouveau modèle qu'on va essayer d'instaurer au cours de la prochaine année, c'est d'attirer les compagnies, les business de Montréal à faire de l'art pour le magazine en peinture. Puis là, le monde va être plus beau pour tout le monde. Je voudrais rajouter quelque chose. D'habitude, le phénomène de baillon, j'aime pas bien ça, mais la plupart des magazines, il y a beaucoup de textes, puis ils laissent moins de place aux images, à moins que ce soit vraiment quelque chose de dispendieux. Ouais. Dispendieux, ça dépend pour qui. Moi, 10 piastres, plus d'images, c'est 10 piastres. Oui, des belles grosses photos, gigantesques, pas beaucoup de texte, ok, bon. Vous irez le trouver, là, il y a un Guy de la Liberté qui shoot un alien avec un laser, l'alien est tablé en cirque du soleil. C'est un taser. C'est un taser, Xavier. Il tase l'alien. Mais non, fou mental, puis moi, je vais être en contact avec Guy de la Liberté à un moment donné pour lui demander ce qu'il pense de tout ça, là. Je taperai ça, là, puis on pointera ça. J'attends les poursuites. C'est ça. Mais non, t'attends à ce qu'il t'achète ta toile. J'attends à ce qu'il me poursuive dans la rue pour m'acheter la toile. Je vais lui vendre ta toile, même. Donc, les gars. Je me demande pourquoi on ne la vend pas la revue, mais le but, c'était pas au niveau départ faire du profit. Là, non, c'était vraiment de l'accessibilité. Personne ici, vraiment, peut-être, là, mais qui va vraiment acheter des magazines d'art multimag. En achetez-vous, justement. Je pense qu'on va ça. Il y a peu de chance, justement. J'aime mieux que vous nous connaissiez que vous nous achetiez. C'est sûr. Ben oui. Les classiques, mais nous autres, on voulait vraiment se dire gratis. La revue est gratuite, c'est sûr qu'elle va être accessible. Tu rejoins plein de monde. Il y a un certain côté. Élitiste aussi dans les revues d'art, là, mettons S, j'ai l'impression qu'il faut avoir le doigt en l'air pour le lire au complet comme il faut. Là. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant parce que j'ai pas perçu ça dans les 30 secondes que j'ai ça, c'est les décisions qu'on a prises au début avec Micah. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait la chance de faire un bébé, mais on pouvait un peu choisir comment qu'on le faisait, justement au niveau du format, de la qualité du papier. Puis justement, moi, je suis pas trop blabla. Moi, je m'inspire vraiment d'images quand je regarde des trucs, donc j'avais envie de... Puis comme Michael, l'autre fois, l'a si bien dit, t'as pas envie de te faire dire par quelqu'un qu'est-ce qui est beau puis qu'est-ce qui est laid. T'es capable de juger toi-même en le regardant, qu'est-ce que t'en penses. C'est de l'art, c'est pas de l'art. Bon, non, c'est ça, t'as toutes les fameuses questions par rapport à ça, mais tu sais, c'est... Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant, moi, en regardant la revue tout à l'heure, c'était le fait que je pouvais simplement regarder, puis moi, c'était ma réaction à moi, point. C'est ça. Il y a personne si t'as envie d'en savoir plus, il y a un petit texte qui approfondit un peu la compréhension des images. Puis si tu veux vraiment avoir plus, tu te pointes sur le site Internet, puis là, on va incorporer un blog par la prochaine sortie du magazine. Il va y avoir un blog qui va être updaté un peu plus. Gardez-nous ça pour tantôt, les gars, parce que là, on va poursuivre dans l'émission. Ce qui est sûr, c'est que c'est un travail qu'on sent pertinent. Mais avant d'aller vers autre chose, là, vous allez dire un mot chacun en arrière de l'autre, puis c'est genre une inspiration. Là. une inspiration. Ouais, ça peut être chaud, tu des pop tarts là. Non, ouais. Là. D'inspirer. Frazetta, je sais pas ce que tu veux. Un idole, tu sais, on nomme nos idoles là. Ben ouais, moi Frank Frazetta. C'est bon. C'est bon. Okay. Etienne? J'ai le décor au Mac dans la tête. Si je nous l'ai perdu. Moi j'avais Hunter S. Thompson, buy the ticket, take the ride. Nice. Moi mon meilleur, c'est Boubou Bellechasse. À découvrir. Ah oui, en effet. Hey, ça nous amène vers Elisabeth. Toi, t'as des... merci les gars, hein, on va vous revenir, c'est sûr, là, plugger le site et tout. Voici Elisabeth, parle-nous de tes affaires de cœur et tout. Ça a été super dur de choisir qu'est-ce que j'allais parler aujourd'hui, parce qu'en fait, quand je suis arrivée chez moi tantôt à 4h30, j'avais un « Réveillez-vous » dans ma boîte à mal. Ouh. Fait que là, c'était comme « Réveillez-vous, là, du secondaire. » Oui, c'est pas ça. Fait que là, vu que j'avais pas le temps de lire comme il faut à tête reposée, le « Réveillez-vous », ça ira une autre semaine. Okay. Fait que vu que j'ai lu à tête reposée à maintes et maintes reprises mes lettres secondaires, ça va être ça. Et voilà. Fait que là, j'en ai soit une de moi, puis... Ah ouais. Il faut que tu essaies de battre celle d'Israël, fait que c'est toi qui décides, là. OK, mais ça va être celle de moi. Bon, ben vas-y. Nice. C'était comme... ça montre que j'étais différente. Mais tu t'es ramassé avec la lettre que toi, t'as écrite. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ça veut peut-être dire que j'ai trop la chienne et je ne l'ai pas donnée à mon ami. Non, t'en as fait deux copies pour t'assurer de te rappeler tes archives. Ou tu sais, vous allez comprendre, elle était peut-être en crise, tu sais, puis elle me l'a redonnée. Et voilà, on rentre dans l'univers mystérieux d'Elisabeth. Fait qu'après une introduction probablement inintéressante que je ne vais pas lire, je vais aller dans le vif du sujet. Hey, je voulais te parler de quoi d'important, pas pour moi ni pour toi. C'est important pour tes nombreux admirateurs. Tu dois absolument mettre au clair par toi-même avec eux, genre GL puis l'amateur de cartes de gars tout nus, que tu les aimes pas pour sortir avec eux. Je te niaise pas, parce que là, s'ils se rendent compte de ça par eux-mêmes, ça risque d'être laid. Je sais que c'est ben ben le fun de se faire cruiser, puis que de ce temps-ci, c'est de ça que t'as besoin, ben de te sentir aimé puis convoité, mais c'est pas correct pour eux, pour eux autres, puis même si tu les aimes pas, tu dois pas les faire souffrir. Puis comme tu le dis toi-même, rien ne sert de désirer quand tu sais que tu ne peux pas posséder. C'est de la grosse philosophie. Cette phrase-là, elle marche pour eux autres aussi. Là, pense surtout pas que je te fais la morale ou ben non que je te traite d'agace. Non. Non, c'est pas surtout pas ça, là. Je mets pas les mots sur la page. Je m'assumais pas, je pense. C'est pas ça du tout. C'est que tu es ma twin... C'était ma twin. Ah ouais? Separated at birth. Puis je te parle comme je voudrais que tu me parles. Si les rôles étaient inversés. Fait que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. C'était juste mon avis. Donne-moi des nouvelles, mais allez faire dodo, bonne nuit. Ça. OK. Fort. Mais ça aurait été long, hein, J'y ai dit. C'est-tu encore ta twin? J'y ai dit. Merci. Ben, j'ai peut-être pas dit, justement. J'ai encore la lettre. Le cordon. Là, ça me fait. Ouais. Fait que là. Israël? Non, mais en fait, Israël, on va le garder pour plus tard. Moi, j'ai des questions, là. Pas trop. Bruno, je pense que tu dates, genre, la fille hot, que l'autre fille moins hot est comme, ben là, t'as trop de gars après toi, là. C'est ça, hein? C'est à peu près ça? Non, parce que c'est elle qui écrivait la lettre. Alors, c'est elle, la fille moins hot. Mais moi, j'avais un chum dans ce temps-là. Ah, OK. C'était purement le... Ben oui, t'avais une expérience de vie. C'était purement l'intérêt des gars. C'était tes chums, puis là, elle jouait tout ça. Elle était agace avec les garçons, puis ça m'énervait. Fait que là, j'avais essayé. Tout le long que tu me disais, j'étais comme... Ça, c'est vraiment une affaire de fille. Il me semble que je verrais jamais un gars au secondaire faire ça. Elisabeth, merci beaucoup. On poursuit l'émission, c'est sûr et certain. On s'en va voir DJ George et ses aventures fabuleuses au pays de l'audio. Toujours. Vas-y, apprends-nous pourquoi on a juste deux oreilles. Eh bien, c'est la rentrée scolaire cette semaine pour la plupart des universités, la semaine passée pour les cégeps, fait que j'ai quelques petites tounes en rapport avec ça. On commence par quelque chose qu'Israël m'a donné la semaine passée, ou l'autre, je sais plus trop, il m'a donné une pile de 45 tours. Donc, j'ai Clémence Desrochers ici qui nous chante la fête de la rentrée. Yes. Sur un air de rigodon. Avant que l'année recommence, on devrait pouvoir se parler. Avant que l'année recommence, on devrait pouvoir se parler. Sortons les fusées, les guitares. Les on voit que c'est Jean-Clémence Desrochers. Invitons les gars des c'est comme semi-intellectuel. C'est comme du Yvon Deschamps qui chante, mais un peu moins bon. C'est ça. Avec une voix de fille. Avec une voix de fille. mais avec le même œil sur Judy Richards. Ça parle pas de fesses. Ouais. C'est un peu rigodon, tu sais, c'est ça. Fait que c'est, on sent que c'est la fête, l'euphorie, la joie des étudiants. Les parents crient délivrance aussi. Hein. C'est un grand classique, là. Les enfants retournent à l'école, les parents sont tellement contents de plus avoir besoin de s'en occuper. It's the most wonderful time. Et voilà. OK, next. Ouais. C'est moi qui te dis, là. Oh, next. Non, c'est bon. Je m'en allais. Quand ça finit. Sinon, ben, on a Nathalie Simard qui a déjà aussi fait un disque qui s'appelait « La rentrée de Nathalie ». Et la chanson thème, c'était justement « La rentrée ». ».« La rentrée de Nathalie ». Oui, c'est fun, hein? Ouais. En tout cas. C'est facile, la star. C'est trop facile. On a-tu le droit de dire ça en ondes? Non. Sûrement pas. La mère de Bruno est là, on va faire attention. Fait qu'évidemment, c'est plus enfantin. Moins travaillé que Clémence Desrochers. Faut le faire. C'est assez assommant là, pour ouais, c'est... les jeunes retournent à l'école. On dirait une trame sonore de photos romans. Hein. Ouais, effectivement. Ça sonne un peu tragique, je trouve. Ouais, en même temps, ça n'a pas l'air le fun de rentrer. En tout cas. Bon, mais c'est ça, justement, mettons que vous trouvez votre rentrée triste puis que vous êtes tanné, ben une possibilité que vous avez à la place, c'est plutôt de rentrer à la grande école du bonheur de Frédéric François. Ah, c'est... j'ai déjà fait le jeu ici, celle-là. Si trop souvent plus rien ne va, si tu es triste, si tu ne fais jamais la fête avec ton cœur, alors il faut que tu entres vite à la grande école du bonheur. Tout le monde. Alors il faut que tu entres vite à la grande école du bonheur. Quel carat. Sur tes silences. Donc voilà, on a passé un refrain, hein, fait que normalement c'est l'endroit traditionnel où je me fais interrompre. C'est vraiment, ça, c'est drôle parce que ça fait pas penser du tout à la balade des gens heureux. Non, vraiment pas. Considère-toi interrompu. Ça n'a aucun rapport avec la balade des gens heureux, je sais pas pourquoi tu parles de ça. Mais bon, c'est ça. Que Frédéric François fait bien trop de respect pour Gérard Lenormand. Ah oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est lui qui a sorti ça 10 ans après l'autre que ça rapporte. Bon, puis évidemment, ben surtout pour les plus jeunes de nos auditeurs, là, ceux qui ont moins de 12 ans, quand rentrer égale recommencer à prendre l'autobus. Fait que pour savoir comment ça marche, ça, prendre l'autobus, j'ai une petite chanson ici de Tante Lucille et ses petits lutins de la collection Sagix m'apprend. Matin, on sait qu'il est fidèle. Oh non, tous les matins, on sait qu'il est fidèle. Au rendez-vous. Ça, c'est la formulation préférée de Bernie. Je sais pas si vous en rappelez dans le temps. Là, des fois, il parlait en latin. Puis les familles, c'est son cheval de bataille. Donc, il s'est pas fait réélire. Il arrêtait pas de dire là, vous allez vous retrouver avec plein de enfants qui retournent à la maison avec la clé au cou. C'est l'image de la clé dans le cou qui est d'accord forte. Sur le trottoir. Ainsi le veut l'usage. OK. au milieu de la rue. C'est-tu comme l'aviron qui nous mène? C'est un peu ça, oui. Ouais, OK. Mais c'est l'autobus qui nous mène très bien. C'est comme une poignée de jujubes qui sont juste noires. Ah ouais, next. T'es déjà tanné de celle-là? Ah, j'ai trouvé bonne, hein? J'en ai plein d'autres de cette collection-là. J'en sortirai de temps en temps. Yeah! Mais ça, moi, quand j'étais à l'école, je me souviens d'avoir entendu ces tunes-là de Sagix, qui était l'espèce de hibou qui nous montrait à traverser les rues aux bons endroits, puis tout ça. Il y avait un jeu, c'était pas le bingo, c'était le Sagix. Ouais, exactement. Toi aussi, c'est ça. Hein? Ouais, c'était différent. J'étais content de retomber sur ce disque-là au village des valeurs le mois passé. Bon, on va y aller dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Il n'y a pas juste les enfants qui prennent l'autobus. Il y a aussi Denis Champoux, le fameux Denis Champoux à Cap-Rouge, qui a enregistré Fidèle la chance et tellement d'autres. Qui nous chante ici « Je prends l'autobus ». Je suis un grand garçon. Regarde, maman, j'ai payé mon billet. Mais lui, il s'en va au bureau, par exemple. Mais bon, on peut s'imaginer que c'est un bureau dans une école. La ville dort quand je me lève. j'ouvre les yeux, je suis. On écoute-tu un petit bout, puis on va revenir après ça vers d'autres chroniques de quelqu'un d'autre? Ah ouais, donc, ça a de l'allure. Ça a tellement d'allure. Ça conclut ce bloc-là en plus, c'est parfait. C'est Denis Machin. Denis Champoux. Denis Champoux. Tous les matins. C'est le western. Jusqu'à mon bureau. Seul dans mon banc, je commence à rêver. À Miami ou à Mexico. Je travaille le soir. Après souper, pour ramasser un peu d'argent, je rêve d'un voyage dans 2 ou 3 ans. On sait jamais ce qui peut m'arriver. Je prends l'autobus tous les matins, je me laisse traîner jusqu'à mon bureau. Seul dans mon banc, je commence à rêver à Miami ou à Mexico. Sont allés, ils sont revenus, ils étaient tout bronzés. Depuis que j'ai su ce qu'ils m'ont raconté, je veux bien y aller, mais en attendant, je prends l'autobus tous les matins, je me laisse traîner jusqu'à mon bureau. Seul dans mon banc, je commence à rêver à Miami ou à Mexico. Des lumières aveuglantes trouèrent l'obscurité du ciel, et des voix désormais inhumaines grognèrent angoissées. Les collines résonnèrent sous les coups de tempêtes furieuses, et de vastes crevasses meurtrirent la terre. Les énormes structures que l'homme avait créées s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Des coulées de feu et de sang coururent vers la mer, dans laquelle d'énormes montagnes se désagrégeaient. En ce terrible printemps, ceux qui vivaient là moururent, tués par le poison que portaient les fleuves. La nuit substitua le jour et s'installa. Les rares survivants cherchèrent la mort, mais la mort les fuyait. Bon, on le fuyait. Vous avez reconnu la description abrégée, en fait, de mutants post-apocalyptiques irradiés. Ah oui? On est dans un monde post-apocalyptique irradié. C'est Roche, c'est italien. C'est un film post-apocalyptique italien des années 80. On va parler d'autre chose pour commencer. J'ai bien aimé réécouter l'émission de radio de la semaine passée et ça m'a amené à re-réfléchir à notre propos. On nous a taxé de méprisants. Ben, j'y crois pas. C'est pas ma motivation intime, vraiment, loin de là. On fait pas le culte de la médiocrité, on crée une zone de critique du produit culturel. Le message qui est le nôtre en est un inclusif et au sein duquel j'ai rencontré toutes sortes de gens qui m'aidèrent à tenter de comprendre le chemin très bizarre que celui que l'on propose. D'ailleurs, à ma connaissance, le film de ce soir est à la source d'un nombre non négligeable de coming out douteux et de beaucoup d'heures de plaisir partagées avec plein d'amis. J'adore ce film-là. À douteux.org, notre arme est la variété de nos moyens éducatifs, la variété des sources qui nous ont abreuvés de ce produit universel, puis la simple réalisation que ce que l'on tourne en dérision ici n'est jamais une finalité, mais une étape entre pire et mieux. La variété est la source d'une vraie responsabilisation. Ça implique de respecter la différence. À mon sens, discuter d'un produit culturel reste la raison ultime de ce produit. L'important n'est pas de ne jamais juger, mais bien d'accepter que notre jugement ne sera jamais parfait. Tout peut être douteux sorti de son contexte. Un problème est réglé dès lors que l'on peut en rire le cœur léger. Au-delà du facultatif, il y aura toujours la motivation. Ça nous a sûrement pris pas mal pour faire le film en orange de même. Anyway, qu'est-ce que c'est la variété? La première fois que j'ai rencontré l'acteur principal du film de ce soir, c'était dans Jour d'enfer, version française de Days of Hell, ça date de 89. Le tagline, là, c'est 4 mercenaires en guerre contre l'armée rouge. Il y a un traître en plus d'un 4. Fait que ça fait 3. Qui gagne? Les 3. Débile. Je suis tout de suite tombé sous le charme du souriant acteur alors qu'il s'appelait Conrad Nichols à l'époque. Quelques années plus tard, à cause des pseudos pour la distribution outre-Atlantique, Conrad Nichols devint Luigi Mezzanotte. Ça n'a pas été facile, ça, à digérer. Jamais lasse de nous impressionner, plus de 15 ans après son dernier film, je découvris tantôt que Luigi avait atteint sa nouvelle évolution et se nommait maintenant Bruno Minitti. Donc, Conrad Nichols est devenu Luigi Mezzanotte avant de s'appeler Bruno Minitti, mais c'est toute la même personne. C'est spécial, hein? C'est comme l'Esprit Saint, Dieu, puis Jésus. Nonobstant, vous allez bientôt tomber sous son emprise envoûtante. Le sourire dentifrice, c'est blanc, tout est orange, puis lettre, sauf ses palettes. C'est vraiment fabuleux. Parlant de variété et d'Atlantique, on a écouté le très récent Titanic 2 en fin de semaine. Long métrage de la compagnie de production The Asylum, compagnie qui nous a rappelé ce 24 août straight to video. Le douloureux constat sociologique voulait que l'humanité ne soit pas perfectible. Autre anecdote majeure, je me souviens du temps de Titanic avant René Charles. La chaîne d'information avait fait en sorte que je fus mis au courant à Rouen, en Abitibi, du fait qu'une Italienne en était à 63 visionnements du Titanic en 2 mois. On fait un petit calcul rapide. C'est une fois par jour à peu près. C'est ça, je pense pas qu'elle l'avait gratuit non plus. Eh boy. Et puis ben, c'est une Italienne. Exactement comme la nationalité de la production d'aujourd'hui. Mais moi, je me demandais, là, juste vite de même, le Titanic 2, comment ça marche, ça? Ah, c'est trop. C'est un autre bateau. C'est un bateau c'est plus un gros, plus fort. Là, il y a un gros iceberg qui commence plus à gros, flotter vers le sud. Puis là, l'iceberg, en s'effritant, il laisse des grosses vagues élevées. Fait que là, il y a un morceau d'iceberg qui frappe de plein fouet l'autre. Puis ce qui est hot à un moment donné, c'est que le gars qui a fait le bateau, là, il se fait dire par toutes les gardes-côtes, ouais, faut que tu vires de bord, faut que tu vires de bord, faut que tu fasses quoi? Il dit, may I remind you that this is Titanic 2 we're talking about? Ouais, puis en fin de la conversation, l'autre gars, l'autre gars du téléphone, il dit, just watch out for those icebergs. Puis David... Alright, man! Ça va bien, Anis. Fais attention aux icebergs, là, dans le Titanic. Moment unique, là, pour se rendre à moins 5, on a été capable, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une grosse vague, il y a un hélicoptère, puis là, ils disent pull up, damn it! Fait qu'on a failli avoir un hélicoptère qui se fait exploser par un iceberg. Ouais, ouais, ouais. Mais dans tout le reste du film, là, on voit presque pas d'eau. Toutes les shots sont par en haut, les fenêtres sont fermées, genre ils ont tourné ça dans un hôtel, puis comme c'est tout ingénieux là. Puis quand ils courent, là, ils courent à plein de reprises dans des couloirs du bateau, genre, puis on dirait qu'ils checkent en arrière de même, mais ils se font pas chasser par. Ah, il y a rien, on dirait qu'il allait le rajouter genre en 3D, mais on dirait qu'il y a pas. Il faut qu'ils sauvent deux filles à un moment donné, puis ça prend à peu près 5 minutes qu'ils montent en haut d'un ascenseur. Tu sais, il y a comme l'ascenseur, puis là, ils montent ses barres, puis là, ils tassent la trappe en haut, puis là, c'est lourd en crise de monter une... Tu sais, voyons, esti. Tout leur dilemme, c'est vraiment des petites affaires. En tout cas, The Asylum, qui nous ont encore une fois vraiment pas déçus, s'il vous plaît, restez loin de Titanic 2, tant que ça va coûter de l'argent d'avoir le droit de l'endurer. Vous remarquerez à quel point il y a une histoire d'amour dont on se calisse. Et puis à la fin, là, ça donne qu'ils sont dans un sous-marin, puis là, il y a de l'eau froide qui arrive, puis tout. Puis là, le gars, il dit « Laisse-moi mourir parce que l'eau est tellement froide, tu vas pouvoir prendre la combinaison puis traîner mon corps. Puis parce que l'eau est froide, ben je vais tomber en hypothermie puis tu vas pouvoir faire comme dans Abyss. » Ouais, ouais, ouais. Comme dans Abyss. C'est vraiment ça réplique. Très beau punch. Tu vas pouvoir faire comme dans Abyss. Ouais, puis dans le générique de la fin, ben en fait, t'entends la fille faire les massages cardiaques pendant que les noms commencent à passer. Longtemps. Puis, le spoiler, tu le dis-tu, le spoiler? Ben, tu veux dire qu'il coule? Il y a un 3. Tu meurs. C'est ça. Il meurt, tout ça prend rien. Tout le monde meurt, tout le monde coule. Sauf dans l'univers de Julien, attends un petit peu, toi. C'est là. Bon, hein? Ben oui, c'est ça, c'est là. Yeah. merci Tommy. Alors c'était mon thème musical qui m'a confiance. Alors, quand je t'avais croisé Tommy samedi passé, je t'ai dit que cette semaine j'allais parler de bande dessinée que j'aime, mais finalement ça a été plus facile d'écrire un dossier invitant sur Sylvain et Sylvette. Alors, d'abord, je vais annoncer tout de suite que je ne ferai pas le retour de la chronique Potin BD cette semaine. Là, c'est fini. Non, ça, c'est... ça va faire. Ça a eu sa run, là, ça a fait le temps que ça méritait. Faut pas rester le citron non plus. Ah, non, non, ça devient une parodie de moi-même. Comme The Last Exorcist. Fait que là, Sylvain et Sylvette. Alors, qu'est-ce que Sylvain et Sylvette? Ben, c'est notre enfance. Alors, quand ton enfance se composait d'habiter dans le bois sans tes parents, à porter des souliers en bois puis à se battre contre un ours, un renard, un loup et un sanglier. Et un peu comme l'enfance ou comme les ex, ben plus le temps passe et plus on oublie Sylvain et Sylvette, puis ils deviennent une espèce de souvenir flou, un brouillard abstrait, puis on mélange tous nos souvenirs des albums jusqu'à ce que ça devienne une purée indissociable de tout mélanger en même temps, bonifié par le temps. Mais comme une photo de l'adolescence gênante que t'as pas le goût de regarder ou une lettre envoyée à une amie qu'on considère comme une agace, ben je suis là pour vous rafraîchir la mémoire sur Sylvain et Sylvette de la seule manière que je connaisse, en spéculant sans me renseigner. Je vais considérer comme la personne idéale pour faire ce dossier parce que j'en ai pas lu depuis ma troisième année du primaire. Alors, Sylvain et Sylvette, c'est deux frères et sœurs qui vivent dans le bois avec des animaux. C'est un retour à la terre, aux anciennes valeurs et au catholicisme. Bref, c'est moderne, c'est tout ce qu'on aime. Ils vivent avec Gris-Gris l'âne, Barbichette la chèvre, Cui-Cui l'oiseau, Raton le rat et la leurre, Poulette la poule, Moustachu le chat, Pampan le lapin, Mignonnet l'agneau, Coin-Coin le canard, Chloé la tortue qui zozote, Olga la corneille, Sidonie l'oie, Alfred le chien et l'inoubliable Ulur-Berlu le hibou dormeur. Alors, ça c'est tous les personnages des gentils dans Sylvain et Sylvette. Ils sont assez nombreux quand même. Ça pour battre quoi? Quatre animaux, c'est quatre ça? Animaux, les. Oui, des meilleurs. C'est ça, ouais. Ah ouais. Ben, c'est sûr que tu sais, un ours, un renard contre genre une oie. Une tortue, puis un oiseau. Une tortue qui zozote. Fait que bon. Mais leur paisible cocon de zoophilie et d'inceste est sans cesse perturbé par les compères. Quatre féroces mécréants, un ours, un renard, un loup, un sanglier. Je sais pas pourquoi ils se mangent pas entre eux. J'imagine qu'ils sont unis par leur passion de foutre la merde dans la vie de Sylvain et Sylvette. Sinon, ben, je présume que tout ce qu'ils veulent, c'est manger Sylvain et Sylvette et les animaux avec qui ils habitent, mais je m'en souviens pas vraiment, fait que c'est... mais d'après moi, ils sont pas commodes. Alors, gage de qualité, la série a changé trois fois d'auteur. De nouveaux épisodes... voilà. De nouveaux épisodes sont encore publiés aujourd'hui, 69 ans après leur création. La série change plusieurs fois d'éditeur et la numérotation des albums recommence plusieurs fois, mais si on les comptabilise, il y en a à peu près 300, tous très uniques. J'ai été surpris moi-même par le nombre de Sylvain et Sylvette quand j'ai lu la page Wikipédia. je vais vous en faire découvrir quelques-uns en utilisant mon infaillible technique de nommer les titres d'albums et deviner ce qu'il y a dedans. C'est la méthode Bob et Bobette. Ouais, c'est le... voilà, que j'ai employé aussi avec Ricochet. Avec beaucoup de succès. Alors, voilà. Tome 6, une région peu hospitalière. Sylvain et Sylvette décident d'essayer de trouver un appart dans la grande ville, mais réalisent que l'inceste est bien moins reçu dans les milieux urbains et retournent mine basse dans leur forêt aussi noire que leur âme. Tome 7, téléprix qu'ils croyaient prendre. Sylvette tente de tromper Sylvain avec Mignonnet l'agneau, mais attrape un MTS généralement associé au mouton. Tome 14, l'union fait la force. Chloé, la tortue qui zozote, réalise que c'est bien moins chiant à peinturer un appart en gang que tout seul. C'est de ça. C'est pas toujours scabreux. Là. 19. Les bonnes farces de nos amis. Pour lui montrer c'est qui le patron, Moustache le chat met une tête de cheval dans l'île de Sidonie Loi. S'ensuit une spirale sans fin de vengeance aux conséquences de plus en plus désastreuses. Tombe 22. Sylvain s'attaque au gros poisson. Sylvain va voir la dernière comédie de Dan Sandler et écœuré de l'humanité en entendant tout le monde rire autour de lui, vide son popcorn sur la tête du gars devant lui. Ce dernier pleure à l'intérieur. Le tome 26, le repas interrompu. Pendant un repas, ça sonne à la porte, interrompant le repas. Compère sanglier va répondre, c'est un témoin de Jéhovah. Il l'écoute avec passion et remet en question sa foi. Tome 27, Pampan fait une fugue. Pampan fait une fugue, voulant attirer l'attention vers lui, mais personne ne part à sa recherche. Il revient 4 jours plus tard et ne mentionne plus cet événement. Tombe 34, qui s'y frotte, s'y pique. Sylvette, ça lui pique partout, mais elle sait pas pourquoi. Mais Barbichette la chèvre a sa petite idée. Tombe 36, l'ours Martin et les abeilles. L'ours Martin s'obstine avec les autres compères que, contrairement à la croyance populaire, les ours ne se nourrissent pas de miel, mais bien d'abeilles. Tu regardes comme il faut, je pense qu'ils se crissent du miel dans la bouche pour attirer les abeilles et se délectent leur dard. Tombe 39, au feu, au feu. Sylvain se découvre un intérêt pour la pyromanie et maintenant il faut cacher toutes les allumettes en sa présence. L'été va... Non, pardon, l'hiver va être froid. On a manqué celle-là. OK. Tombe 40, la course automobile. Michel Vaillant vient faire un tour dans la forêt. C'est qu'il y trouve le dégoût à jamais. Ouais. C'est comme un crossover de Michel Vaillant. Puis de, ouais. Ils font souvent ça. Hein? Oui, dans l'hybride malsain. Ah, ça serait. Dans le Dargo You. Là. Ouais, c'est ça. Avec Casterman You. Ben, ça change. J'ai pas noté les éditeurs, mais. Sûrement c'est ceux-là. Non, j'ai pas. Hey. Tombe 56, en route pour le Mexique. Compère Renard se paye un tout inclus d'une semaine au Mexique pour se changer les idées, mais finalement, il la passe aux toilettes malade. L'argent qu'il va perdre dans ce voyage va l'obséder et l'enrager pendant deux ans, deux années qu'il ne retrouvera jamais. Tombe 57, caramba, un puma. Un puma arrive à la forêt et immédiatement, Sylvain tente de le séduire, mais il finira par se faire attaquer. Il ne sera plus jamais le même. Tombe 59, compère l'ours sans balance. Compère l'ours réalise qu'il met beaucoup trop d'énergie dans son combat contre Sylvain et Sylvette et trop peu dans son combat contre l'obésité. Il commence une diète stricte qui se terminera étrangement par un gain de poids. Sa défaite contre son métabolisme lui démontrera qu'on n'a pas le contrôle sur grand-chose dans le fond. Depuis ce jour, il parle moins. Ça qui se passe dans Compère l'ours en balance, tombe 54. Tombe 64, le gorille bleu. Alfred, le chien, mange tous les biscuits aux potes que Sylvette s'est fait pour l'été. Il est gelé pendant 5 jours. 71, mignonnet sera-t-il mangé? Oui. Tombe 88, Cui-Cui fait le guet. Confus, Cui-Cui se découvre un intérêt pour les oiseaux de même sexe. Il découvre enfin le bonheur qu'il a toujours désiré. Et tombe 2000, je sais pas quoi. Attention à la peinture. Olga la corneille veut repeindre son nid, mais doit cacher sa peinture à Poulette la poule qui veut juste la sniffer. Alors, c'est ça d'après moi qui se passe dans les albums. Puis c'est ça, Sylvain Sylvette. Mais j'aimais ça, Sylvain Sylvette, quand j'étais jeune, en fait. Je vais préciser. Là, tu donnes comment d'habitude? T'as tout le temps une belle petite note. Je peux mettre une cote. Ça, c'est 2 sur 10. Pas plus. Oh, mon Dieu. Alors, c'est la note la plus basse de loin. Hein. De loin, oui. Hey, sont comment? Dessins? Oh, oui, 11 sur 10. Les dessins sont. 11 sur 10. J'aime ça quand les dessins viennent faire le 2. C'est les titres, ouais, surtout, non, hein, qui avaient c'est l'air d'être les titres, c'est moins fort, un peu, je trouve. C'est ça qui a fait baisser beaucoup la cote. Mais sinon, les scénarios puis les dessins, puis c'est vraiment ça, c'est très réussi. Hey, Julien Bernatchez, merci beaucoup d'être passé à 70% encore. C'est toujours ta niche. Ça l'est fait. On reçoit plein de mails, là, puis finalement, t'as survécu à la couperie. Là. On avait sorti la faux. Vous coupez déjà, on est 12 dans le studio. Ça va vraiment être sanglant. On écoute le Gentle Giant Valedictory. Après ça, ça va être des nouvelles, hein, Bruno? OK. C'est tout très pertinent, ça, là. C'est tout très pertinent à 70%. Ah, voilà. Alors, on continue avec des nouvelles. La semaine dernière se déroulait le Shop with a Cop, l'événement annuel de la rentrée de la ville de Clackamas. Clackamas, en Oregon. Je l'ai choisi un petit peu à cause que j'aimais le nom de la ville. Des dizaines d'officiers à pied, des détectives, des officiers à cheval et des chiens policiers patrouillaient le supermarché Fred Meyer quand deux voleurs sont entrés. Ils ont été quelque peu intimidés au départ, mais ont décidé de se laisser aller à leur vol à, l'étalage, pardon, supposant que les policiers seraient trop occupés à magasiner avec les enfants pour s'occuper d'eux. l'arrestation s'est déroulée sans pépins. C'est bon, ça. Un autre encore. D'accord. John Lee de Coddington, en Angleterre, a reçu pour 800 livres de contravention pour s'être stationné dans un espace réservé pour les handicapés. C'est que l'homme a perdu une jambe au combat en Afghanistan et s'est fait refuser son badge de stationnement pour handicapé trois fois. Il aurait reçu comme raison pour ses refus qu'il était possible que sa situation s'améliore. Lee a affirmé qu'il ne peut pas marcher trop longtemps, sinon sa jambe enfle, qu'il n'a aucun moyen pour lui de se déplacer, sauf s'il utilise les stationnements pour handicapés, et qu'il croit peu probable que sa jambe repousse. Moi aussi. J'embarque avec ça. Ouais, bon, on n'est pas les experts, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans. En Angleterre, c'est pas pareil. Les Anglais, c'est pas pareil. Non, c'est ça, écoute. Hey, merci bien gros, Bruno. Hein? Un plaisir. Tout le temps gentil. On s'en va vers Jean-François Pruneau, créateur de... Non, pas créateur, juste un rassembleur. Et voilà, man, déglutis tes affaires, fais ça mitraillette, là. Mitraillette, en fait. Ouais, ouais, ouais. OK. Ben, dans le fond, c'est rien que des blagues d'éléphant. J'appelle ça de l'humour gris. c'est juste... C'est vraiment un mauvais sens de l'humour combiné avec une mémoire sélective, là. Fait que... par où je commence? Mettons, Elisabeth, t'as-tu déjà vu, toi, un éléphant caché derrière une fleur une fois? Il me semble que non. Ah, c'est parce qu'il était bien caché, t'sais. On commence comme ça. L'ambiance s'installe. Ah oui, ça commence. Je commence toujours par les moins bonnes, comme savez-vous pourquoi tous les éléphants ont des bas bleus? Non, c'est parce qu'ils sont tous dans la même équipe. combien d'éléphants. Sérieux? Combien d'éléphants on peut mettre dans une mini? C'est évident, c'est 4, hein? 2 en avant, 2 en arrière. Puis c'est lequel qui conduit? C'est celui qui a son permis. C'est bon, quand même, les éléphants respectent les lois. Ah, c'est absolument. Les jokes de Tarzan sont absolument mauvaises. Tarzan voit un troupeau d'éléphants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tiens, voilà un troupeau d'éléphants. ouais, mais sauf... là où ça s'empire, c'est Tarzan voit le même troupeau d'éléphants, mais là, ils ont toutes les petites fausses lunettes en plastique avec le faux nez et la fausse moustache. Là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien, il reconnaît pas. changer un peu, c'est quoi la différence entre un éléphant et une orange? Il y en a aucune. Non, c'est la couleur, l'éléphant est gris. Ah, dire qu'on s'est fait prendre. Pourquoi tous les éléphants ont des bas blancs à cette heure? Les bas bleus sont au lavage. Je fais des retours, attention. Oui, c'est fort. Jane, la blonde de Tarzan, elle voit un troupeau d'éléphants, qu'est-ce qu'elle dit? Un troupeau d'oranges, parce qu'elle est daltonienne. Il y a des liens. C'est pas une femme daltonienne, t'as-tu fini? C'est ridicule. Non, mais ça se peut. Ça se pourrait, c'est rare. Ben. C'est juste rare. Super rare. Absolument rare. Mais ça se peut. Les éléphants, ils mettent des raquettes quand ils traversent le désert. Il y a une bonne raison pour ça. C'est pour pas caler dans le sable. OK. Est-ce que vous savez pourquoi? Comment tu peux deviner qu'un éléphant est passé dans ton frigo? Dans le beurre. Oui, il y a des petites traces de pas dans le beurre, justement. Wow! Comment tu devines qu'il y a deux éléphants dans ton frigo? Dans le beurre, dans le beurre. Non, c'est pas le beurre, c'est quoi là? C'est vraiment... La porte ferme plus. Comment tu sais qu'il y a trois éléphants dans ton frigo? Dans le beurre. Non, c'est rien de ça, c'est... D'habitude, tu t'en rends compte en écoutant ton show de radio préféré, mettons celle-là, puis là, tu regardes par la fenêtre, tout à coup, tu vois une mini devant chez vous avec un éléphant qui a l'air suspect. As-tu déjà fait l'école de l'humour? C'est incroyable. Non, c'est avec des jokes, là. Il n'y a pas d'humour là-dedans, j'en reviens pas. En tout cas. Une autruche, les autruches. Pourquoi ils se rentrent la tête dans le sable? À cause de l'éléphant. C'est pour rire des éléphants qui n'ont pas de raquettes. Je suis calme dans le sable. Je fais des retours. C'est une chose. Ah, j'en ai d'autres, je suis sûr. Ah oui, les arbres. J'ai une thématique d'arbres. J'arrive. Il y a un éléphant. Comment ça grimpe un éléphant dans un arbre? Ça s'assoit sur une graine, puis ça attend que l'arbre pousse. Ah, okay. Ça s'assoit sur une graine. Ouais, absolument. Oui, ça s'assoit sur une graine. Ouais, ça, c'est un bout d'humour. Ça se passe à plusieurs niveaux, hein? Ouais, absolument. Un éléphant dans un arbre, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est une graine. Non. Un éléphant dans un arbre, ça fait un éléphant de moins sur la terre. OK, deux éléphants dans un arbre maintenant, qu'est-ce que ça fait? Deux dans une mini en avant. Non, ça n'a pas rapport avec. Non, deux éléphants dans un arbre, ça fait un arbre de moins sur la terre. Oh, OK. Attention. Comment l'éléphant descend de l'arbre à cette heure? Hey, il y a la toune d'un éléphant sur mon balcon que j'en ai rien. Un éléphant pour descendre d'un. Un éléphant pour descendre d'un arbre, mais il s'assoit sur une feuille puis attend patiemment l'automne. Ça vit longtemps, l'éléphant, c'est ça? C'est une référence à ça? Oui, c'est absolument. Même que j'en avais une nouvelle, OK? Les éléphants, comment ils se cachent dans les fraisiers? Ils se mettent du vernis à ongles. Oui, comme ça. Puis quand ils veulent être bien sûrs de se cacher, ils se mettent les yeux rouges. Là, ils sont bien sûrs. C'est, il paraît qu'elle est bonne. Fume du pot? J'en ai entendu une bonne. Hey, let's go, man. Encore 2 minutes, là. On va avoir eu 10 minutes de joke d'éléphant. Je te clenche ça, OK. Comment un éléphant... qu'est-ce que ça prend dans un bar? Un éléphant? Ouais, qu'est-ce que ça prend dans un bar? À ce prix-là, je comprends. Non, ça prend la place. OK. Une girafe, qu'est-ce que ça prend dans un bar? Grand coup. Ça prend... Non, ça prend un petit coup. Un petit coup, tu sais, il faut ça. Ah, quand même, okay. T'sais. Un éléphant, comment tu rentres ça dans un frigo en 3 étapes? Tu rouvres la porte, tu crisses l'éléphant dedans, puis tu refermes la porte! Est-ce qu'on l'a entendu? Oui. Ouais, ouais. Puis deux, une girafe en 4 étapes? Tu rouvres la porte, tu sors l'éléphant, tu crisses la girafe, tu refermes la porte! Ouais! Oh, génial! Génial! Les canards, pourquoi est-ce qu'ils ont les pieds plats? Des éléphants leur ont marché sur les orteils. Non, les canards ont de si grands pieds pour éteindre les buissons en feu. Mais les éléphants, pourquoi ils ont de si grands pieds? C'est pour éteindre les canards en feu. C'est totalement mauvais. De mieux en mieux, hein? Fait qu'on est-tu rendu à la boucle bouclée? OK, je vais boucler la boucle, là. Le roi lion, il monte sur sa roche, puis il bug, là, comme dans tous les films. Puis là, tous les animaux arrivent, sauf un... C'est la girafe qui est dans le frigo, une coupe de joke avant. Merci. T'as oublié les éléphants dans Nissan Sentra. Fait que c'est où qu'on peut te voir en spectacle? Au douteux à tous les lundis, sérieusement. Au pub Le Roi. Je suis tout le temps dans mon coin avec mon tricorne. Fait qu'on va te donner une pièce puis tu nous comptes des jokes d'éléphants. C'est comme ça que ça marche? Ouais, mais c'est tout le temps les mêmes. Genre. Ouais, c'est pas grave. C'est tellement bon. Moi, il y en a plein que j'ai pas compris. Ça allait trop vite. Comme une cassette Mitraque. Ils en ont vendu pareil. Hein. Exact. 2 tonnes de sous au complet. Hey, Forêt, vas-y, ramène-nous dans ton monde un petit peu. Là. Puis après quelques-unes, ben, on va laisser Xavier nous lire. Oui, un peu de Normand. Parce que moi, j'ai hâte de savoir ce qui arrive à la vie de Normand. Mais, OK, je vais tout de suite sortir une grosse affaire. Là. J'ai le nouveau EP de Wing. Oh, ouais. C'est-à-dire son 17e album officiel. Et, il est sorti en 7 pouces? Non, il est sorti seulement en CD et en MP3 dans le Lodam. Et puis son album s'appelle Stop the Nonsense. Et puis là-dessus, elle fait ce qu'elle croit être du rap. Comme d'habitude... Sacrément, les gars, là... Ouais, ça sera pas facile. Vous pouvez pas désentendre, hein? Non. C'est pas de notre faute ce qui c'est s'en vient. Ça, ils ont pas là. D'écouteurs. Vous allez voir. À chaque fois que je viens, c'est ça. Ouais, c'est tout Wing. Le temps. C'est vrai. Wing, elle revient souvent, elle est productive. Fait que Wing, elle m'a donné un petit fichier texte avec les MP3 que j'ai acheté, puis là, je l'ai traduit, fait que ça va comme suit. Avec son nouvel EP Stop the Nonsense, Wing espère guérir ce monde de ses problèmes. L'EP contient le méga succès. Smash Hit, en version originale. Stop the Nonsense, entre parenthèses, Stop Smoking Crack. Une chanson puissante pour aider les gens avec leur dépendance débilitante. Wing espère que cette chanson aura un impact et encouragera les gens à vivre des vies joyeuses et saines. L'album présente également une apparition du mauvais garçon du hip-hop, Rappy McRapperson. Y a-t-il quelqu'un qui le connaît, ça? Moi, je le connais pas. Ah oui, c'est pas le bad boy du rap. C'est lui, le mauvais garçon du rap. C'est lui, apparemment. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un autre personnage d'émission pour enfants. Depuis qu'Easy P est mort du sida. Ouais, fait que là, en tout cas, mais qui, il y a 30 jours, on sait pas quand est-ce que le texte a été écrit, mais a décidé de nettoyer sa vie. Et là, une citation de Wing en terminant. « J'espère que vous apprécierez mon nouvel EP. J'espère que vous serez braves et que vous arrêterez tout le non-sens. Mais si votre cœur est en paix, c'est bien aussi. Tout le monde recevra des bénéfices et du plaisir. » Signé Wing. Alors, on démarre la chanson. Ça veut rien dire, ça. Écoute, ça veut dire ce que ça nous a bien préparé, en tout cas. Ouais. Fait que là, on démarre avec Stop the Nonsense, Stop Smoking Crack. I hope you like my new song. It makes you happy. I hope you stop the nonsense and be brave to make a change. No nonsense. But swaggy walky. You make no sense when you're talking. Just complaining, always dreaming. Can you see the beauty of the painting? Can you see the beauty of the trees? Can you see the gems in the street? On dit ça à tous les gens qui sont addicts au crack. En espérant que ça peut pas être pire d'après moi. Vous pensez que c'était déjà assez dur d'être addict au crack? Ben, c'est ça. Non, mais so far, moi, c'est ce que je peux le mieux apprécier, je peux te dire ça. Ouais, tu peux dire ça. Ce fait, ouais, c'est vrai. Ben puis il ouais. Y a un bout avec Rappy, on va essayer tout de suite le trouver, là. Oh, yeah, yeah. Première fois qu'elle fait une collaboration avec quelqu'un sur un album. I'm feeling amped up, clap up funny, crack me up. Holy shucks, filling cups, crackers stacking, acting up. All these rappers smoking crackers, they all fall off quick and slammer cracking. Rappy, make rappers. Hammer can't touch this. Staring at that crack pipe, it was a wax site. I started hearing druids. Maybe it was in a past life. Stun you till you stammer, stomping nanners till it's crazy mush. Hush. Don't make the babies blush. The ladies lush, getting flushed off that 80s stuff. In the hazy brush, scar face, the world is not enough. Rough till I heard the voice check of an Joe. Angel. J'aimerais ça la dédier à mon chum Fred Bois, la chanson. On l'a déjà dédié à tous les gens. On l'a déjà dédié à tous les gens qui font du crack, Israël, c'est correct. Fait que c'est pas mal ça. Rendu là, ça devient répétitif. Hein? J'ai du temps pour une autre affaire? Tommy est paralysé, je vais en profiter. Je sais pas si vous vous souvenez de Catouin. Catouin qui chantait ça. Ça fait rire les oiseaux? Ça fait oui ou les oiseaux. Ça chasse les nuages, fait bouillir le soleil. Fait que Catouin récidive avec sa nouveauté. Vous allez voir, ça commence plein d'émotions. Douanier Rousseau. Non, cette fois-là, c'est pas de la compagnie créole, pis c'est même pas rien qui avait été chanté par des Noirs. Ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Mais c'est un cover pareil. Mais est-ce qu'elle va quand même est-ce qu'elle va quand même prononcer ses W ouais, avec ses R avec des W? Même accent. C'est un featuring avec un bad boy du rap. Avec Rappy Mac Rappopson. Rack Ragger. Hip Hop Mac Hip-Hopson. Et le meilleur McBurger. Ça sent bien. Je laisse planer le suspense. Quatre heures du matin, je t'encours sur le chemin. Je travaille pour mon gang-pain. Et c'est mon destin. Pas une tonne de caillouche. C'est une de nuance, évidemment. Ah, c'est 7 heures du matin. C'est exactement, mais c'est 4 heures. C'est Sandra Dorion, normalement, qui chante ça. Puis elle Catouin a réussi à rendre ça encore plus ennuyant que Nuance le faisait. Vive dans la nuit, Carlis. Dans la nuit. C'est pas facile. Qu'est-ce que ouais. Elle fait ça pour qui? Ben pour moi. Moi, je pense que c'est juste pour moi. J'aime bien m'imaginer ça. Et pour nous. C'est ça, puis moi, je le transmets. Fait que là, moi, je passe tout de suite le message en ondes. Si quelqu'un sait c'est qui Catouin puis qu'il y a moyen de me mettre en contact avec, je veux l'inviter ici pour savoir pourquoi, qui, comment, puis elle parle tout de même pas. Je vais poser des questions, on va aller chez eux chercher des réponses. Veux-tu mettre une affaire de Normand Lamour? On va écouter Xavier. Oui. Toi, Xavier, t'as trouvé un bout de Normand Lamour, son autobiographie? T'es à laquelle page? Oh, je suis nulle part à date, là. Il est choisi au hasard. C'est pas ça super intéressant, mais regarde, tant qu'à continuer dans la marde de crackhead pis les petites crottes blanches, je vais me forcer. Pogner n'importe quoi, là. OK. Pendant ce temps-là, en l'honneur à Sylvain et Sylvette, je vais faire jouer Il y avait dans la forêt de Normand Lamour. C'est bon, ça. Bon, je commencerai même pas sur une majuscule. Rythme, point. Espace, je chantais, point. Espace, mais du moment, virgule. Espace, que ça. Ça s'écrit même pas de même, ça, mais ça. Je vais faire un caillou. Je vais sauter une autre phrase. Il a écrit ses 35 chansons, virgule, espace, sur, espace, vrai, espace, feuille, espace, de musique, point. C'est-tu assez, ça? Parce que là, tant qu'à avoir une tribune, je pourrais faire une coupe d'annonce pour tourner dans les arts. Ah, ben, il veut se plugger à la place, moi je dis que c'est fait. Go, go, go, go, Xavier Landry. C'est invité. Invité. Ça me donne de la prestance. Vas-y, Xavier, chose que j'ai pas d'habitude d'un souper. OK, je voudrais plugger les 10 jours des arts du Faubourg. Ah, c'est du 9 au 19 septembre, au Bain Mathieu, au 29-15 Ontario-Est. Il va avoir, moi et Xavier, on va être là avec quoi? Avec 30 artistes. Bon, au début, c'était supposé être 50 artistes avec deux toiles chaque. Puis là, non, 30-40, en tout cas, ça tourne autour de moi. Ouais, c'est ça, on va être. Nous autres, on va être là, en tout cas. On va pas être trop disponibles parce qu'on a plein de groupies. Ouais. Mais c'est ça, puis il va y avoir des shows de musique. Je me souviens plus bien, des soirées métal avec Anonymous, puis nos bandes. 10 jours, d'affaires. En tout cas, de musique et art. Exactement, puis ça se termine, ça clôture avec un encan. De nos affaires qu'on a faites live. Ouais, c'est ça. Venez acheter du cheap art qui va valoir cher. Tout le temps à gérer. Quand même. Quand vous, j'allais demander. OK. Ah, OK. Une autre expo. L'expo Lévitation à l'usine sans issue. C'est au 163 Est à Montréal. Ça commence le 1er septembre jusqu'au 30. Il y a le vernissage le 2 septembre à partir de 17h. On se pète la face. Et on se pète la face avec une trentaine d'artistes complètement délurés et fous, mongols. Puis aussi, moi, je fais une expo solo. C'est ma première. Ça va se passer chez Glamour. Ça commence du 5 jusqu'au 31 octobre. Glamour, c'est au 4411 Notre-Dame-Ouest. C'est au métro Saint-Henri. J'ai appelé ça Aberrator. Hey, puis tous ceux qui amènent une copie de Discover Mac devant moi, là, puis qui le font signer par Xavier Landry, je leur paye une bière. Oh. Ça, c'est invitant, hein? Ouais, fait qu'il faut que t'ailles écouter 70% puis que... Faut que tu dises le mot de passe, peinture. On note l'indice du jour, on va sur le site web. Fait que c'était ça, merci. Puis si vous voulez voir de la belle peinture chez Bétonnel, c'est plein. Moi, je vote Alkid. Alkid, c'est cool. Bon. Il y a Benjamin Mort aussi qui a des teintes feutrées cette année. Ah ouais, puis vert sol. Sinon, outre les plugs de notre ami Xavier là-bas, Étienne, Maïka, est-ce que vous avez de quoi booker? Ben ouais, absolument, surtout le site. Là, si vous allez sur decovermag.com, c'est decovermag.com. Vous trouvez tous les magazines sont là, les anciens numéros, du numéro 1 à 6, puis tous les artistes ont leur propre galerie. Oh puis boy. Vous pouvez aussi voir nos points de distribution où vous pouvez vous procurer la revue. On n'a pas un événement. Ça fait deux événements de suite qu'on fait, là, peinture en direct. Là, on lance la revue de ça, mais pour le prochain numéro, on fait. Tranquille, là, on va s'assurer. Vous allez doubler le volume, c'est quand même. Comment on s'entend une assez belle étape. Là. C'est bien, ça, pouvoir relaxer un peu, fier de son produit. Et voilà. Ben, merci, ben gros, les gars. Merci à vous. On va tout reparler de ça un petit peu à la fin là, pour être sûr que le monde ici. On va vous laisser des revues pour que si avoir votre bière gratuite. Ouais, c'est bon. Moi, je vais vous quitter parce que là, je suis supposé aller à un barbecue d'écureuil puis de roadkill de palourdes de Sarah Hunter. Fait que je vous remercie puis salut à tout le monde. Ça a l'air romantique, ça doit sentir bon de la gueule à cette place-là. C'était carrément, ça pogne d'un dent. moi, Tommy, je veux que tu lui fasses faire un indicatif. Là. Ben, vas-y, Xavier, fais-nous un petit indicatif. On va te partir. Ah ouais, OK. Bonsoir, 70%, c'est Xavier Landry. 70%, c'est fort dans la bouche chez Brunet, puis c'est pas fort en maths à l'école. Sacrifice. Ah, de même, aucune préparation. C'est le nouveau bad boy de la peinture montréalaise. Oh, yeah. On l'appelait Paint Mac Painterson. Excellent travail. Hey, vas-y, Étienne, pitch-nous-en une autre, puis à un moment donné, bon, on va retourner voir Israël puis Bruno. Ça va-tu pour vrai, toi, là, Xavier? Ouais, je m'en vais pour vrai, là. Il y a Jason puis Chi qui m'attendent. Ils ont allumé le barbecue puis avant qu'ils crissent le feu chez nous. Ok, ils sont chez nous. J'ai faim d'y aller, j'ai faim. Ouais, je te comprends. Je te comprends ça. All right, merci. Ok, bye. Bon, alors, ceci étant dit, j'ai d'autres belles niaiseries aujourd'hui. J'ai enregistré un autre disque qu'Israël m'a donné, que je remercie au passage. C'est l'aumônier Claude Quentin qui nous fait la prière de l'handicapé. Ça griche beaucoup, mais c'est tellement bon. Ça nous rapproche de Dieu. On l'a dédié à tous les handicapés qui fument du crack. Prière de l'handicapé. Nous autres stars, d'ailleurs, je crois. Tu as permis, Seigneur, que je sois privé de la pleine et libre utilisation de mon corps. Me voici devant toi avec une chair brisée, avec mes limites, mes barrières quotidiennes. Oui, comme la chanson le dit, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, car je me sens humilié d'avoir à présenter aux autres l'image de ce corps. Le disque est un peu handicapé. J'aurais pourtant aimé faire ce que font les autres, mais tu m'as voulu ainsi, Seigneur, petit, méprisé. Et c'est petit, méprisé, que je viens vers toi, Seigneur. Car je sais aussi que tu m'as donné ce que les autres n'ont pas. Et je te remercie du courage de vivre, de ce désir de vaincre qui me renouvelle chaque matin. Je te remercie aussi parce que mon handicap me fait comprendre que ton amour s'adresse à tous, même à moi. Fais, Seigneur, que lorsque les autres me regardent, ce ne soit pas pour rire de moi. Fais plutôt que ce soit toi qu'ils voient. Toi qui as été petit comme moi. Toi qui as été crucifié dans ta chair. Toi qui as porté ta croix. Aide-moi, Seigneur, à porter aussi ma croix pour que je puisse te ressembler un jour éternellement. Amen. Hey, c'était vraiment beau, ça. C'était pur, hein, c'est ça. C'est spook en esti. C'est un disque au complet, de ça. C'est juste un 45 tours, puis c'était la première fois que je voyais ça. C'était un 45 tours qui avait trois tunes sur la même face. Il y avait des pistes sur les 45 tours. Okay. Fait que c'était que ça. C'était tout petit. Mais moi, ça me rappelait, justement, la chanson de l'handicapé par Jeanne-Mance Cormier. J'ai découvert que c'était grosso modo le même texte. Fait qu'elle, elle avait pris ça de quelque c'est part. C'est une chanson. C'est ça. Je vais vous mettre là. Chanteuse de 18 pouces de haut. Ouais, c'est de 7 piastres et demi. C'est ça? Oui. Exactement. C'est une chanson. Fait que pendant qu'elle, elle nous chante, Israël, tu vas te préparer ta... les trémolos. Hein. C'est une histoire qui vous fera pleurer. Ah, Bruno, il la connaît par cœur. Oui, on vous rappelle qu'il y a un Letter from the Secondary Off entre Elisabeth et Israël. Ouais, ouais, fait que faut trouver le gagnant. C'est qui a la meilleure lettre? Mon passé va comme suit. Allô Israël, ça file dans ton bout, moi pas pantoute. Mon chum il a cassé. Pis ça me rend triste parce que ça faisait un mois que je sortais avec. Ça part fort là. Ouais, ça part assez solide. Hein? Une chance que t'es là, ben je rirai jamais sinon. Pis si tu me dis à un moment donné que t'es plus mon ami, ben je vais plus jamais être contente pis je rirai plus. Parce que toi, tu me fais rire. Parce que t'es comique. Hey, sais-tu quoi? Ben, t'es mon best de dans les gars. Ah! Tant qu'à moi, t'as pas ben le choix de l'être, mon best, parce que j'ai pas d'autres amis gars. Ah, bon, ben là. Ah, ben, là. Ouais. Ben, je pense à moins qu'il y en ait qui me considèrent comme leur ami pis que je le sais pas, tu sais. Hey, ces trois dernières phrases sont essentielles. Ça rejoint la prière de l'handicapé un peu. Ben, tu sais, d'après Karine, mon ex-chum Jérôme, ben, il pense que t'es pogné sur moi parce que tu m'as donné une lettre. Ah, Jérôme, il veut rester ben, à vie avec moi. Moi, ça me dérange pas, mais en tout cas. Ton groupe, c'est-tu un mélange entre les groupes que t'as dit ou ça ressemble à chaque groupe séparément? Quoi? Oh, hein? En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Je dessine pas bien. Ben, je trouve que toi, tu trouves que... Toi, tu trouves que je dessine bien? Dis-moi là sincèrement. Tu peux dessiner bien? Qu'est-ce que ça dit sur tes jeux? Eh man, c'est point 7 et match pour Israël. Attends un peu, c'est quasiment fini. Dis-le-moi sincèrement. Hey, c'est pas juste. Je vais avoir personne pour danser des slow à la danse cette semaine. Zut, je vais être obligé de prendre deux feuilles. Ok, elle parle de la lettre, ouais. Ouais, je peux pas gaspiller une feuille pour mon best. On baisse par défaut, on le rappelle. Hey, j'ai jamais entendu ça, les marmottes applaudissent. Il faudrait que tu m'en fasses entendre à un moment donné. Elle avait pas entendu parler qu'une feuille, ça avait deux côtés. Excuse, mais ça doit être drôle de te voir chanter. Hey, tu m'inviteras à votre premier show, ok? Hey! Hey! Ouais, hey, à chaque fois. Hey, montre-moi la vite ta BD. Je veux que tu me donnes des cours de dessin. Non, c'est une blague. Tu sais, le petit bonhomme mort que t'as fait dans ta dernière lettre? Ben, j'aimerais ça que tu me le dessines en gros sur une feuille avec le décor pis tout, s'il te plaît. Je vais le coller sur le mur de ma chambre. Pis il faudrait que tu le signes, ton dessin, hein? Je sais que tu vas me trouver fatigante parce que je te demande plein de choses, mais en tout cas, est-ce que je pourrais te demander de me dessiner en gros sur une feuille blanche un Magic Mushroom comme t'as fait dans mon avant-dernière lettre? S'il te plaît! Puis là, ça va être la dernière affaire que je vais demander. Tu peux-tu m'écrire le logo de votre Ben, Garnotte? En gros, sur une feuille blanche, puis la signer. Hey! Bon, mais m'a te laisser. Fait que bye-bye. Puis écris-moi bien vite. Puis elle a signé Blink, on est dit tout. XXX. Au bonhomme trempé dans le chocolat. Puis elle m'a dessiné. Ouais, tu sais que c'est elle, Blink. Ah, finalement, est-ce qu'elle est bonne en dessin, Bruno? Ben, je sais pas, c'est pas Tommy Wiseau qu'elle a dessiné? Non. C'est l'épouvantail du magicien d'Oz. Donc, et voilà, elle était pas pire, celle-là. Fait que, Ginette, c'est qui gagne? Elle était même pas là! Non, je viens juste d'arriver. OK, c'est bon, c'est Israël, tout le monde est d'accord. Non, ça... Non, elle est allée me chercher une petite serviette pour que je m'humidifie les yeux à cause de mes allergies. Ah. Ouais. Il n'y a personne qui fait ça ici ben, pour moi dans cette émission. On a passé le panier tantôt. Hein. Moi, j'ai sorti une petite poignée de chance pour ouais. Bruno. Là. N'hésitez pas à donner généreusement. Là. Ouais. Ah, OK, moi, je pensais que c'était juste pour qu'on échangeait une le pièce. Le prochain à appeler et à me donner 25 cents recevra une Nissan Sentra. Voilà. Avec 4 éléphants dedans! Poste ça, Israël, merci beaucoup. Ouais, elle est excellente. Peut-être, Étienne, tu peux en mettre une autre, puis on va écouter la dernière nouvelle de Bruno avant de dire salut aux invités puis de lui laisser la chance de parler de ce qu'ils veulent. C'est bon. Vous pouvez penser à un petit indicatif, on aime bien ça, là. Oui. Si vous êtes des covers, là. Allez-y, pensez-y. C'est ça. Pendant qu'on écoutera les Sœurs des Sureaux, qui ont fait un magnifique album en 84 qui s'appelle « Les Sœurs des Sureaux chantent le rétro ». La pochette est hallucinante. Ils ont l'air d'être quatre gars déguisés en femmes, mais c'est vraiment des filles de source sœur. Puis ils ont repris plein de belles tunes quétaines en méta-cochonnerie. Puis là, celle d'aujourd'hui, c'est « Ton amour a changé ma vie » que tout le monde connaît des Classelles, mais qui est bien pire quand c'est eux autres. Ça va être parfait pour la dernière nouvelle de la journée. C'est parfait. C'est parfait, hein? La batterie est aléatoire, en arrière. D'accord, alors Gustavo Rojas, un politicien vénézuélien, offre des implants mammaires comme prix dans une tombola servant à financer sa campagne électorale. Ah, tabac! Il y a des critiques, affirme-t-il, mais la plupart des gens croient que c'est une bonne idée. Les chirurgies esthétiques, surtout les augmentations mammaires, sont très populaires au Venezuela. Même la récession n'empêche pas certains gens d'emprunter de l'argent pour leurs besoins chirurgicaux. Voilà, c'était pas mal ça la dernière nouvelle. Ben, ça n'est quand même une bonne, ah je oui, pense. Quand même. C'est bon à savoir, destination voyage. Ah oui, c'est voilà. Ça. Au Venezuela, est-ce qu'on vaccine les enfants? Non. C'est ceux qui survivent en fait une paire de boules. Aïe, aïe. Aïe, ça nous ramène vers nos amis de... De Decover. Decover, les gars. Vous des indicatifs. Étienne. Moi, j'en ai un, là, fait que... Vas-y, Cédric. Toi, là, passe pas du micro, là, d'ailleurs. puis moi, je dis, salut, ici Cédric Taillon. Étienne Martin. Michael Lockhart. On est à Decover Magazine, puis on vous dit d'aller prendre le magazine, le lire, on vous dit d'acheter des toiles, puis on vous dit d'écouter 70% à chaque FM. Oh, sacrament! Ah, c'est bon, ça? Bon. Blindé! Les gars, reparlez-moi encore du site internet! Invité! Ben, moi, j'ai commencé à investiguer là, pour un blog, là, le WordPress. Fait que je commence un blog là-dessus avec le lancement du magazine, puis on va essayer de mettre du content en masse là-dessus, des vidéos, on va aller visiter des galeries, des collections personnelles plutôt, puis voir c'est qui le monde qui nous font survivre à Montréal. Ça a été fabuleux. Les gars, moi, j'espère que votre projet va prendre de l'ampleur et on est avec vous et on est disponible pour vous aider si on peut faire quoi que ce soit. Là. Quand je dis vous, ça veut pas dire que je suis gros. Merci beaucoup, Étienne, Micah, Cédric, ça fait un plaisir. Bruno, génial, mon gars. Je te souhaite vraiment de passer au travers. Moi aussi, je ne l'ai pas facile, c'est en scène. Heureusement, ta mère est là avec toi, puis elle t'appuie. C'est Tommy, lui, se plaint pas, pourtant. Non, moi, je me plains jamais, Carlis. C'est pas comme les autres qui n'arrêtent pas. Je voudrais juste mentionner que j'ai acheté une peinture de Cédric Taillon, puis qu'elle me vaut toute une série d'excellents commentaires à chaque nouvelle visite de mes amis. Moi, j'ai vu une de tes très belles peintures en fin de semaine, d'ailleurs, à Burlington. Ah ouais, ouais, de Pierre? De Pierre, ouais. Une de mes préférées. De on bord pas ici, là, on avait presque fini. Là, Julien Bernardier, ouais, merci beaucoup c'est pour bien, l'aventure. C'est yes. Elisabeth, c'est une très bonne habitude, je pense. Là, gars, à soir, tu t'es fait battre, mais la semaine prochaine, c'est toi qui vas l'avoir. C'est pas ça l'important, je fais pas ça pour ça. Non, Bruno, bien, ça. Jean-François, merci beaucoup. Oui, mais... Étienne Forest, comme d'habitude. Là. Ben oui. Allez, on s'en va écouter Rush au brouhaha. Moi, je vais peser play ici sur le petit film. Merci les gars, c'était 70%. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la dernière partie de mon petit texte en attendant que les gens de Dans ta bulle arrivent. Parce qu'on les aime bien gros, les gens de Dans ta bulle. Le niveau de radiation à l'extérieur a diminué de manière étonnante. Et voilà, le niveau de radiation à l'extérieur a diminué de manière étonnante. Pour vous tenir au courant, en fait, 12 personnes ont débuté le marathon de 12 heures de visionnement de samedi passé. 7 ont réussi à passer au travers de toute l'aventure, bien abreuvée en dernière mission. Merci à Marc Bélanger, notre bénévole périphérique bien-aimé. Les braves se sont attaqués à visionner l'œuvre en entier de Paul Robertson, excellent animateur s'il en est, à MVP, mon vaillant primate, premier volet de la touchante trilogie du singe, Vampire Suck, qui était vraiment très, très spécial, Les Seigneurs de la Mort, l'excellent Death Metal Zombie, plusieurs épisodes des Jet Gao Rangers, des Power Rangers un petit peu plus cheap des années 80, le pilote de Jem, la musicienne en dessin animé, quelques blagues d'éléphants, des clips pour remonter le pep au final, et pour le coup ultime du côté concept solide, on a défoncé la programmation en écoutant le deuxième épisode de l'heure JMP avec Jean-Marc Parent. Les gens ont amené des decks de Magic, des jeux de société, leurs blondes, des Game Boy, n'importe quoi pour passer le temps, pour qu'on soit là dans l'ambiance importante. Ça se repasse le samedi 25 septembre, même place, différentes affaires. Amenez vos clés USB avec des affaires, on va projeter vos affaires. C'était Tommy Godette à 70%. Je vous laisse avec Roche, là, Luigi Mezzanotte et Bruno Menitti. Ouais, ça change tout le temps. Hier, il est arrivé à un minimum de 0,075, pratiquement inexistant. Et voici les nouveautés. L'air n'étant plus contaminé, la terre a retrouvé sa fertilité. Un paysan des environs a découvert ceci. Vous êtes sûr de ça? Certain. Le mois dernier, j'ai ordonné à un de mes intouchables d'aller jusqu'à la zone mortelle pour y planter des grains conservés avant la guerre atomique dans des solutions spéciales, comme celles que vous tenez. J'ai été surpris du résultat et j'ai aussitôt donné l'ordre que tout, absolument tout, soit détruit. Et il s'est passé une chose étrange. J'ai envoyé 5 intouchables. Mais quand ils sont revenus, il n'était plus que 4. Et l'autre, alors? Il a été tué. Et j'ai idée de qui peut l'avoir tué. Je crois que c'est un homme qu'on a capturé hier, appelé Rush. Lorna est d'accord avec moi. Il donne l'impression d'être intelligent, en tout cas, et il refuse de parler. S'il devait révéler le secret, que l'on peut vivre à nouveau à l'extérieur, ça serait la fin de notre règne. Faites en sorte... d'éviter la chose. Il est isolé dans la galerie du condensateur. Peut-être qu'il ne sait rien. Mais vous devriez l'interroger. C'est votre spécialité, l'interrogatoire, hein, Yor? Il faut que je vous avertisse, Itaki. Vous êtes en train de devenir indispensable, ce qui veut dire trop puissant. Vous ne voudriez pas terminer décapité, non? Je plaisantais.